أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الحمد لله qui nous a permis d'arriver aujourd'hui dans cet épisode de notre série. La série que nous avons intitulée « Des califes bien guidés jusqu'au califat du Mahdi ». Série dans laquelle, comme nous le rappelons, nous essayons d'analyser notre situation actuelle en remontant au début de l'histoire du califat, à savoir Abou Bakr, le premier des califes, mais également sur l'histoire du califat, sur la durée de l'histoire qui nous concerne. Pourquoi ? Parce que comme nous l'avons déjà dit, l'histoire est cyclique et la sunna d'Allah ne change pas. La sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, « وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » Vous ne trouverez pas de changement à la règle d'Allah. La règle d'Allah, c'est une loi qui est cyclique. Ainsi, en prenant note et en prenant connaissance de l'histoire de ceux qui nous ont précédés, alors nous prendrons conscience, inshallah ou ta'ala, de notre situation actuelle. Ainsi, en abordant ce thème et ce sujet que nous considérons d'une importance primordiale afin de comprendre notre situation présente, nous sommes dans le devoir de regarder dans notre passé. Et donc, nous étions arrivés dans le cours précédent à parler du califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Nous avions évoqué les mérites et les œuvres de Omar. Nous avions évoqué en fin d'épisode précédent les circonstances dans lesquelles Omar ibn al-Khattab avait rejoint son Seigneur. Et ce que nous devons savoir en ce qui concerne Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, c'est que Omar était la porte à la fitna. Oui, car nous allons également, à travers notre série et à travers nos épisodes, voir et comprendre quand est-ce que les sectes apparurent en islam. Nous verrons, inshallah ou ta'ala, de manière bien évidemment globale, mais parfois détaillée, l'impact et l'influence que ces sectes qui ont vu le jour ont eu sur notre nation islamique. Nous verrons, bi'idnillah ou ta'ala, le dogme de certaines d'entre elles, afin que nous puissions voir clair avec les sectes qui pilulent à travers le monde islamique aujourd'hui. En vérité, à l'origine, les gens formaient qu'une seule communauté et leur religion était en toute droiture sous le califat de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, comme nous l'avons vu, et également sous celui de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu al-Farouq. Et la porte de cette fitna n'était autre que Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Ainsi, comme il a été rapporté dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, dans lequel il dit, je cite, nous étions assis auprès de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il dit, qui d'entre vous connaît la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la fitna, en ce qui concerne l'épreuve? Alors Hudhayfa dit, l'épreuve de l'homme dans sa famille, dans ses biens, dans ses enfants et son voisin, elle l'expie. La prière, l'aumône, ordonner le bien et réprimander le mal. Alors à ces mots, Omar ibn Khattab dit, ce n'est pas de cela que je demande. Ce n'est pas sur ça que j'interroge. Mais sur celle qui s'agite comme la vague de la mer. Et il dit donc, Hudhayfa, il dit, elle n'est d'aucun mal pour toi, ô commandeur des croyants. Il y a entre toi et elle une porte fermée. Omar dit alors, cette porte s'ouvrira-t-elle ou sera-t-elle brisée? Et il dit, elle se brisera. Omar dit alors, donc elle ne se refermera jamais. Je lui dis, c'est-à-dire Hudhayfa lui dit, après ça, je lui dis, évidemment. Et nous dire, c'est-à-dire les sahabas qui étaient présents, nous dire à Hudhayfa, est-ce que Omar connaissait cette porte? Et il dit oui. Et Masruq lui demanda, quelle est cette porte? Et Hudhayfa ibn al-Yaman de répondre, Omar. Ce hadith-là, il est rapporté par Muslim dans son Sahih. C'est le hadith numéro 6567. Et dans la version de Muslim, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu ta'ala anhu, a dit, un jour que nous étions chez Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il nous demanda, lequel parmi vous a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parler des fitan, des épreuves, des troubles? Quelqu'un répondit, ou quelques-uns répondirent, nous l'avons entendu. Il se peut, répliqua-t-il, c'est-à-dire Omar ibn Khattab, que vous voulez dire l'épreuve de l'homme dans sa famille et son voisin. Alors les gens répliquèrent par l'affirmation. Le péché issu de ce type d'épreuve peuvent être expiés par la prière, le jeûne et l'aumône. Mais qui d'entre vous a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parler des épreuves nombreuses et répandues qui s'agitent telles les ondes de la mer? Hudhayfa ibn al-Yaman poursuivit, les hommes gardèrent le silence, tandis que lui répondit, moi, je l'ai entendu. C'est-à-dire Hudhayfa a répondu à Omar, je l'ai entendu. Toi, dit Omar, qu'Allah garde ton père. Hudhayfa dit alors, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les épreuves troublantes seront exposées au cœur des croyants et les biens marqueront comme les traces que laissent les joncs de la natte sur le flanc du dormeur. Subhanallah. Les épreuves troublantes seront exposées au cœur des croyants et les biens marqueront comme les traces que laissent les joncs de la nappe sur le flanc du dormeur. Tout cœur qui en sera passionnément épris sera marqué d'un point noir. Et tout cœur qui les repoussera sera marqué d'un point blanc. De sorte qu'à cette épreuve, deux cœurs feront face. Le premier au point blanc sera comparable au rocher inébranlable et lisse. Aucune épreuve ne le nuira donc jamais aussi longtemps que dureront les cieux et la terre. Tandis que l'autre, au point noir, deviendra presque grisâtre et sera comparable à une gargoulette renversée, incapable de distinguer le convenable du blâmable, tant que ni l'un ni l'autre ne correspondent à ses propres désirs. Rapporté par Muslim dans son recueil de hadith authentique. Subhanallah, lorsque nous regardons, nous observons le hadith qui a été rapporté dans la version de Bukhari, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, interrogea Hudayfa en lui demandant, pardon, est-ce que cette porte de la fitna allait se briser ou bien est-ce qu'elle allait simplement s'ouvrir? Pourquoi? Parce que si la porte s'ouvre, c'est qu'il sera possible de la refermer. Si la porte des fitan, des troubles et des tentations n'aurait fait que s'ouvrir, il aurait été possible de refermer cette porte-là. Or, Hudayfa lui répondit qu'elle se brisera. De là, Omar ibn Khattab comprit donc qu'elle ne se refermera plus. Ça veut dire que les troubles qui ont touché la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrêteront pas hatta al-qiyam, jusqu'au jour de la résurrection. Quoi que nous fassions, bien évidemment, notre but est de diminuer ces troubles. Notre but en tant que croyants, en tant que personnes qui cherchons à appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, est de tout faire pour réunir les croyants, pour réunir la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété que les troubles ne prendront jamais fin. Il faut faire la distinction entre ces deux choses-là. Entre les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir et entre le décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi. Et ainsi, la deuxième chose que nous constatons, c'est que la porte de cette fitna-là était Omar ibn Khattab. Ça veut dire qu'après la mort de Omar ibn Khattab, alors les troubles commenceront. C'est-à-dire que Omar ibn Khattab était cette porte qui s'est brisée. Et le symbole de cette porte brisée était la mort d'El Farouk. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Alors Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a rejoint son Seigneur. Et avant de mourir, nous avions vu que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avait désigné une assemblée de Shura afin de désigner celui qui allait gouverner les musulmans. Et comme nous avons dit, notre analyse de tout ça est que nous puissions en tirer des leçons en ce qui concerne notre waqi'a, notre situation actuelle, les événements que nous vivons actuellement. Et donc ici se pose la question de Ahlul Hali wal Aqd, c'est-à-dire les gens qui sont capables, entre guillemets, de désigner, de prendre des décisions, ceux qui nouent les pactes, si on peut dire, si on peut traduire ça comme ça. Et les savants ont toujours parlé de la question de Ahlul Hali wal Aqd en se basant sur les allégeances faites au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les allégeances faites aux sahaba radiallahu anhu. Et certains savants qui considèrent que l'allégeance d'une seule personne de Ahlul Hali wal Aqd suffit pour donner la légitimité au calife, la validité du calife. Et certains savants, donc comme j'ai dit, sont allés jusqu'à dire que l'allégeance se fait avec une seule personne de Ahlul Hali wal Aqd, catégoriquement. Et ceci, c'est la parole de Abi al-Hassan al-Ash'ari, comme l'a rapporté Khatib al-Baghdadi, ainsi que Ibn Hazm dans Al-Fasl fi al-Milal wal-Nihal, volume 3, page 85. Et c'est aussi la parole de d'Al-Iji dans Al-Muwaqifa, de Al-Qurtubi dans le Jami' fil Ahkam al-Qur'an, volume 1, page 269, de Del-Baqlani et autres. Et tous ont ramené comme preuve l'allégeance de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, parce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui a fait l'allégeance, ainsi que la parole de l'Abbas et de Ali ibn Abi Talib le jour de Saqifa, lorsqu'il a dit: donne ta main afin que je te fasse allégeance, comme ça les gens diront l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allégeance au fils de son oncle, c'est-à-dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors personne ne divergera avec toi. Et le pacte est un jugement, et le jugement d'un seul sujet. Et également, comme l'a rapporté Ibn Hazm, que Ahl Shura, dont Omar ibn Khattab radiallahu anhu a fait partie, se sont désavoués du choix, ils l'ont déterminé à un seul. Et ce un seul-là était Abd al-Rahman ibn Auf. Il dit Ibn Hazm, et donc leur consensus est valide sur le fait que l'imama se réalise par la bay'a d'un seul. Et el-Qalaqchandi dans son livre Ma Athar al-Anaqa, volume 1, page 42, il dit: huitièmement, et ceci est conforme à la vérité chez nos compagnons Shafi'iyya, de l'Madhab Shafi'i, que l'imama se réalise avec ceux qui sont présents lors de l'allégeance dans ce lieu, parmi les savants notables et le reste des dirigeants, qui sont reconnus pour leur confiance dans le témoignage, même si le Ahlul Hali wal Aqd se fixe à une seule personne de confiance, alors cela suffit. Donc, de là, il faut savoir que les différents avis des savants concernant l'allégeance Al-Hali al-Aqd au calife il y a plusieurs avis sur la question. Le premier avis, c'est le regroupement de tous les musulmans, c'est-à-dire qu'ils disent que tous les musulmans se regroupent pour faire cette allégeance. Le deuxième avis qu'on peut trouver, c'est le regroupement de tout Ahlul Hali wal Aqd. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis qu'on trouve chez les savants, c'est l'allégeance de seulement ceux qui sont présents parmi Ahlul Hali wal Aqd lors de leur regroupement. Et c'est ce qui s'est passé avec l'allégeance de Abu Bakr, où les compagnons n'étaient pas tous présents. Et ceux qui étaient présents ont fait l'allégeance. Et les autres ont suivi. Et parmi ceux qui étaient présents, celui qui a rendu valide cette allégeance-là, c'était Omar ibn Khattab, une seule personne. Quatrième avis qu'on trouve, c'est que l'allégeance se valide par un groupe de 40 personnes nobles parmi les musulmans. Cinquième avis qu'on trouve, c'est l'allégeance se valide par un groupe de 5 personnes. Sixième avis qu'on trouve chez Ahlul Hali, chez les gens du Ilm, c'est que l'allégeance se valide par un groupe de 4 personnes. Septième avis qu'on trouve, c'est que l'allégeance se valide par un groupe de 3 personnes. Huitième avis qu'on trouve, c'est que l'allégeance se valide et se réalise par un groupe de 2 personnes. Et neuvièmement, l'allégeance se valide par une personne de Ahlul Hali wal Aqd. Dixièmement, on trouve comme avis, c'est que l'allégeance se réalise par une personne avec les conditions qu'il a, avec comme condition qu'il est Shauka, c'est-à-dire la force, la puissance. Onzièmement, on trouve que l'allégeance se réalise par l'ensemble de Ahlul Hali wal Aqd qui ont Al-Shawqa et Al-Quwa, qui ont la force et la puissance. Et en ce qui concerne Al-Tamkin, la stabilisation, et Al-Shawqa, la force, il faut savoir que ceci n'est pas une condition pour la validité du Khilafah, comme le prétendent certains. Et la preuve, j'aimerais souligner ici pour appuyer ce propos, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous. Et le jour de la Aqaba, le jour où les Sahaba lui ont fait le bay'at al-Aqaba, première allégeance, il n'avait ni stabilisation ni force. Il est rapporté, on rapporte la parole de Jabir, d'après Ibn Hibban, la parole de Ubadat ibn Samit radiallahu anhum, tel qu'il a été rapporté par Al-Bukhari dans son chapitre, comment on fait Bay'a al-Imam. Et donc toujours sur le même thème et sur une chose qui est liée, c'est la shura, la consultation. Alors, la shura, la consultation, il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire de faire la consultation ou de consulter celui qui est absent lors du majlis pour le pacte d'allégeance. C'est-à-dire lorsqu'il y a l'assise de Ahl al-Hal ou al-Aqd ou de tout ce qu'on a cité, parmi les 11 avis que j'ai cités, il n'est pas obligatoire de consulter celui qui n'est pas présent. Et subhanallah, la preuve, c'est comment ça s'est passé lors de la bay'a pour Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, comme nous l'avons déjà mentionné dans les épisodes précédents. Lorsqu'ils n'ont pas consulté ceux qui ne furent pas présents, le jour où on prêta serment à Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Et pour ceux qui ramènent la parole de Omar al-Khattab radhiyallahu anhu pour tenter de contredire toutes les paroles des salaf et donc rendre vaine énormément de califats, finalement se sont passés comme celui du califat Abbasid et autres, lorsque Omar al-Khattab a dit celui qui prête serment d'allégeance à un homme sans consultation des musulmans, il ne faut pas le suivre, ni celui qui a prêté serment d'allégeance. Il faut savoir que la parole de Omar ibn Khattab, certains l'ont utilisée en la sortant de son contexte. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, Omar ibn Khattab a dit cela en réfutation à celui qui dit, par Allah, si un tel meurt, je prêterai serment d'allégeance à un tel. Et la réfutation est dans le hadith de Ibn Abbas, rapporté par Al-Bukhari. Et celui qui a compris de la parole de Omar que le serment d'allégeance qu'ont conclu les précédents ne sera accordé que si les absents acceptent, alors il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Et il a construit sa fondation sur la perte. Wallahi billah. Parce que plus d'un parmi les gens de science ont cité que la bay'a n'est pas selon l'acceptation des absents ou bien le consensus de tous les musulmans. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, dira quant à ceux qui disent que l'imam n'est valide qu'avec l'accord des nobles de la Ummah dans tous les pays, alors c'est faux. Il dira ça dans Il Faslu fil Midal wal Ahwa fil Nihal, volume 4, page 129. Et on retrouve la même parole chez l'imam al-Nawawi, qui est cité. L'imam al-Nawawi, lorsqu'il dit il n'est pas conditionné d'avoir l'accord de Ahlul Hali wal Aqd dans le reste des pays et régions. Au contraire, si l'information est arrivée aux gens des pays lointains, alors ils doivent accepter et suivre. Mais aussi sa parole, lorsqu'il dit l'imam est conclu par la bay'a de Ahlul Hali wal Aqd parmi les savants, les chefs et les dirigeants qui peuvent se rassembler. Il lit ça dans Minhaj al-Talibin, page 292. Et également, nous trouvons la parole de Jouaini qui dit, l'imam al-Jouaini qui dit, et ce qui est sûr, c'est que l'unanimité n'est pas une condition à la légitimité de l'imamat, et cela, il y a unanimité. Et on trouve beaucoup de paroles encore des savants parmi les anciens et les salaf rahimahumullah concernant cette question-là. Et pour répondre à ceux qui diraient par exemple que ceux qui font la bay'a ou ceux qui ont fait la bay'a ne sont que 5 ou 10 et que les gens ne les suivent pas sur cela, la bay'a ne passe pas, eh bien il n'y a pas de source à ce genre de paroles-là. Et les textes, sont plus proches de la réfutation à cela que de l'acceptation. Pourquoi ? Car ceux qui ont fait le pacte d'allégeance à Abu Bakr, radiallahu anhu, al-Saqifa, étaient un nombre restreint. Et ils n'étaient pas nombreux. Et s'il est clair qu'un petit nombre restreint, comme 5 ou 10, peut faire en sorte qu'il y ait un pacte d'allégeance et qu'il n'y a pas de preuve à un nombre précis, alors ce qui est juste est de dire que le minimum pour qu'il y ait un pacte d'allégeance est le minimum d'un groupe. Certains gens de science ont dit que le minimum d'un groupe c'est 2. Et ce qui est authentique, c'est que le minimum d'un groupe du côté de la charia est 3. 3 personnes, yani, suffisent pour être considéré comme un groupe. Alhamdulillah. Et on retrouve dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque 3 personnes sortent en voyage, qu'ils nomment l'un d'entre eux comme imam. Idha kharaja thalatha fi safar, فَلْيُؤْمَرُوا أَحَدُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا. Parce que 3 personnes sont en voyage, qui nomment l'un d'entre eux comme ennemi. Et lorsque on rentre dans le charh de ce hadith-là, comme celui de Ibn Abdel Barr, on constate qu'il dit que 2 personnes ne sont pas un jama'a, mais au-dessus de 2, alors ils deviennent un jama'a. Et c'est également ce que rapporte Nawawi, Al-Hafid Al-Iraqi et d'autres parmi les ulama. Donc après avoir brièvement évoqué ce sujet-là, la question que nous nous posons est de savoir qu'est-ce qui empêche légalement, sur la balance de la législation islamique à notre époque, la validité d'une guerre. Et la deuxième question que je pose ici, c'est est-ce que le moment n'est pas venu de craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le moment n'est pas venu de se soumettre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré? Ainsi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité sous sa vraie forme afin que nous la suivions, et de nous montrer le faux sous sa vraie forme afin que nous nous en écartions. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, tawallana fi man tawallayt, wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man afayt, tabaraka rabbana wa ta'alayt. Allahumma nas'aluka an taj'alana min nusrat ad-din. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.